Abelis Ndoku, vous pouvez approcher. Je salue l'Église dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Na salimia kanisa mujina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Et l'Assemblée de Kongolo. Makutano ya Kongolo. Et toutes les églises que j'ai visitées. Na makutano yote lenitipita. M'ont aussi chargé de vous transmettre leurs salutations au nom de Jésus-Christ. Nabo balintuika buzito runeta masalamu yabo mujina Yesu Kristo. Et le frère Jérémie aussi. Nduku Jérémie naye. Et le frère Mato. Nduku Mato naye. Qui sont les deux bergers de l'assemblée de Kibwiza Kolwezi. Benyekwa bachungaji mamakutano ya Kibwiza Kolwezi. Ils vous ont aussi salué au nom de Jésus-Christ. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur qui nous a encore donné un privilège ce soir pour venir l'écouter et l'adorer. Je vous invite à vous lever. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 16, Matayo, depuis le verset 13, tunaanzia mstari wa 13, et nous parlons sur les identifications de la véritable Église du Dieu vivant. Tunasema yule bitambulisho ba kanisa ya kweli ya Mungu mwenye kuwa hai. Au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Yesu akafika mujimbo ya Césarée ile kwa Filipo, demanda à ses disciples, akauliza wa mitume wake, qui suis-je au dire des hommes? Batu bio nasema mimi ni kunani? Moi le fils de l'homme. Mie mwana wa mtu. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Yesu akauliza Samuel, munasema niko nani? Simon Pierre répondit. Simon Petro akajibu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wewe ni Kristo, mwana wa Mungu mwenye kuwa hai. Jésus reprenant la parole lui dit. Yesu akachukua tena sauti akamwambia. Tu es heureux, Simon fils de Jonas. Kwa heri Simon mwana wa Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Kwa nini mwili na damu kufunu? Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Lakini baba yangu le mwiko wa mbingu. Et moi je te dis que tu es Pierre. Na mimi nakwambia usema uko Petro. Et que sur ce roc, na yule aimwamba, je bâtirai mon église. Jenga ekalu yangu. Et que les portes du séjour des morts, na milango ya pali ya bafu, ne prévaudront point contre elle. Haiwezi kuitawala kamwe. Dieu tout-puissant. Mungu awezo yote. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jina lako ni Bwana Yesu Kristo. Du fond du cœur, nous te disons merci. Na upana mambo yetu tunasema asante. Béni ta parole. Ubariki neno lako. Circoncis ma langue. Utahiri ulimi wangu. Donne à chacun un entendement spirituel. Upatie kila mmoja kusikia wa kiroho. Nous chassons tous les démons au nom de Jésus-Christ. Tunafukuza mademona yote mjia Yesu Kristo. Guéris les malades. Uponye wagonjwa. Pourvois nos besoins. Utaishi kama itaji yetu. Commence avec nous comme Alpha et termine avec nous comme Omega. Umalize nasi kama Omega. Nous te prions ainsi par la foi. Nakuomba hivi kwa imani. Dans le nom merveilleux. Ujina damani. Qui est au-dessus de tout nom. Kwa yule majina yote. Celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Mungu aimbariki. Les identifications de la véritable Église du Dieu vivant. Vitambulisho vya kanisa kweli ya Mungu mwenye kuwa hai. Si vous remarquez bien, kama munaweza kuona mzuri, une identification, kitambulisho, c'est une marque, ni chapa, c'est un signe, ni alama, par lequel on découvre l'état original de quelque chose. C'est une particularité. C'est une caractéristique qui vous sert à découvrir l'état original de quelque chose. C'est ça l'identification. Quand nous allons dans la chair, si vous prenez un billet de dollars, ou un billet de francs congolais, pour découvrir le faux billet, vous devez d'abord connaître les caractéristiques du vrai. C'est à partir de ce qui est vrai que vous allez découvrir ce qui est faux. C'est vrai. Même dans les domaines religieux. Bien-aimés frères, nous sommes dans un âge d'une grande séduction. Une séduction telle qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Chaque mouvement s'appelle l'église. Chaque loge s'appelle l'église. Chaque groupe s'appelle l'église. Mais pour connaître la fausse église, l'église antibiblique, l'église démoniaque, vous devez d'abord savoir les identifications de la véritable église. Amen. Parce que Dieu notre Père n'a pas deux églises véritables sur la terre. Et il n'en aura jamais. Grand Dieu n'a qu'une seule véritable église sur terre. Je vous dis la vérité, chers frères. C'est pourquoi le problème commence avec la question de Jésus. Il arrive dans le territoire de Césarée, accompagné de ses disciples. Il leur demande, mes amis, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le fils de l'homme. Les gens disent que je suis qui? Les disciples répondent, maître. Certains disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Élie. Le Seigneur a dit très bien. Ça, c'est ce que les gens du dehors disent de moi. Mais maintenant, vous, les enfants de la maison, les fils du royaume, vous qui m'entendez prêcher, vous êtes toujours à mes côtés. Qui dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. Bien-aimés frères, quand Jésus a posé la question, Pierre n'était pas allé à la théologie, ni à l'école biblique, pour savoir ce que Jésus était. Non. Apana. Mais Pierre a reçu une révélation directe venant de Dieu. Et d'une manière spontanée, na kwa gafla, et par révélation, na kwa ufunuo, Pierre dit à Jésus, Petro amambia Yesu, maître, toi tu n'es pas Jean-Baptiste. Wewe una Yohana Mbatizayo. Toi tu n'es pas Jérémie. Auna Yeremia. Tu n'es pas Élie. Mais toi, Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était une révélation. Amen. Amen. Bien-aimé, la révélation ne vient pas de la théologie. Jamais. Ni à l'école biblique. Non. D'ailleurs, Pierre était un homme du peuple sans instruction. C'est ce que dit la Bible. Mais il a reçu la révélation de connaître ce que Jésus était. Il dit, toi, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire, Pierre a dit à Jésus, toi tu es le Christ, Dieu dans la chair. Amen. Parce que selon la Bible, Et selon la foi juive, quand quelqu'un dit qu'il est fils de Dieu, c'est-à-dire il est Dieu dans la chair, c'est pourquoi Pierre a eu cette révélation. Et Jésus dit à Pierre, tu es heureux. Simon, fils de Jonas, Simon, mwana wa Jonas, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang kwa nena mai na damu, qui t'ont révélé cela, ile kufurunia ile. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Lakini baba yangu mwenye kwa juu mbinguni. Et moi je te dis, na mie na kuambia, et toi tu es Pierre, Petro. Mais sur ce roc là, sur cette révélation là, de connaître ce que moi je suis, c'est là que je bâtirai mon église. Amen. Amen. C'est vrai. Kweli. Un homme heureux, Mutuairi. Ce n'est pas celui qui est élevé en dignité. Haina ule asha kupanda cheu. Selon Dieu. Fatana Mungu. Un homme heureux. Mutu aheri. Ce n'est pas celui qui a des villas en Europe. Haina ule iko na manyumba minene mwero. Mais selon Dieu. Na kufatana Mungu. Un homme heureux. Mutu aheri. C'est celui qui a la révélation. Ule iko na ufunuo. Et connaître qui est Jésus dans le plan du salut. Ya kuyua Yesu ni nani mu map ya wokovu. Amen. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Il est sur ce roc-là. Moi, Jésus. C'est là que je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé, Jésus n'a pas dit sur ce roc, nous bâtirons nos églises. Ni sur ce roc, je bâtirai mes églises. Jésus n'a qu'une seule église. Et c'est une église qui est bâtie sur la révélation. Je vous dis la vérité. Et pour la véritable église, Jésus c'est le fondement de la véritable église. Ya kanisa kweli. Jésus c'est la pierre angulaire de la véritable église. Libo ya chongo ya kanisa kweli. Je vous dis la vérité. Il est écrit dans 1 Corinthiens. Wa Korinto kwanza inaandikwa. Au chapitre 3. Mstari wa 3. Nous sommes au verset 10. Mstari wa 10. Ici c'est Paul qui parle. Hapa ni Paulo ndio anasema. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Kufuatana neema ya Mungu nilipewa. J'ai posé le fondement. Miliweka misingi. Comme un sage architecte. Sa mufundi wa hekima. Et un autre bâti dessus. Na mwingine anajenga yulu. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Lakini kila moja wetu apate keba anye kunamna ile kunajenga. Car personne ne peut poser un autre fondement. Ana kuna mtu mwingine anaweza kuweka tena misingi. Que celui qui a été posé. Isipokuwa ile iliwekwa. Savoir Jésus-Christ. Ile kujua Yesu Kristo. Jésus c'est le fondement de la vérité. Jésus-Christ ndio misingi ya kanisa kweli. Et Paul en tant que l'apôtre des nations. Na Paulo sawa mtume wa mataifa. Il met en garde les prédicateurs. Eko na sopesha na kebesha anga ubiri. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Kufuatana neema ile nilipewa. J'ai posé le fondement. Miliweka misingi. Comme un sage architecte. Sawa mfundi wa hekima. Et un autre bâti dessus. Na mwingine na kwa kujenga yulu. Mais que chacun prenne garde. Lakini kila moja kebe ange. À la manière dont il bâtit. Unana ile kuna jenga. Car personne ne peut poser un autre fondement. Nani hakuna mwingine anaweza kuweka misingi ingine. À part celui qui a déjà été posé. Isipokuwa ile inesha kujengwa. Et ce fondement c'est Jésus Christ. Na misingi ni Yesu Kristo. Amen. C'est pourquoi bien aimé. Tuko maana wapendwa. Dans cet édifice de Dieu. Mui majengo ya Mungu. Pour la véritable église. Aucun apôtre, aucun prophète, aucun serviteur de Dieu qui devait venir après Paul n'a le droit de poser un autre fondement. C'est vrai. Même William Branham, n'a pas posé un autre fondement sur la véritable église. Le seul fondement, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi frère Branham disait, même moi Branham, j'ai prêché comme Paul. Pourquoi? Parce qu'il ne devait pas poser un autre fondement. C'est vrai. C'est pourquoi pour la véritable église, tout tourne autour de Jésus. C'est la pierre angulaire. Bien-aimé frère et ma soeur bien-aimée, dans les choses de Dieu, la révélation c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très grand. Il est écrit dans Proverbe. Proverbe 29. Au verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Comprenez le verset. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Voyez mes chers frères, dans les choses de Dieu, la révélation c'est quelque chose de très important. Même toi qui es là, voyez un véhicule qui n'a pas de frein. Ne montez pas. Vous allez courir derrière un danger. Maintenant, dans le spirituel, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. On peut lui dire que Branham est Dieu. Comme il n'a pas de révélation, il croit. On lui dit que Jésus est déjà venu. Comme il n'a pas de révélation, il croit. Mais pour nous, Branham n'est pas Dieu. Et il ne sera jamais Dieu. Le seul vrai Dieu adorable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi il nous faut la révélation. Et la révélation vient de Dieu lui-même. Ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas la philosophie. La révélation vient de Dieu. Il est écrit dans Matthieu, au chapitre 11. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Matthieu 11, le verset 25. Matthieu 11, le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. La révélation vient de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur parle. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Bien-aimés, même avoir la révélation du message que nous avons cru, c'est la grâce de Dieu. Il y en a qui meurent dans les mensonges. Mais toi, quand tu as cru à cette parole de vérité, qu'est-ce que tu as payé à Dieu? Tu n'as rien payé. Dieu t'a ramassé dans le bourbier du péché par grâce. Il a laissé tous les membres de ta famille, mais il t'a ramassé toi. Qu'est-ce que tu as payé? C'est une grâce. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être reconnaissants pour cette grâce que Dieu nous a donnée dans cet âge. Amen. C'est vrai. La révélation vient de Dieu. C'est pourquoi, quand vous venez à l'église, chers frères, avant de venir à l'église, priez le Seigneur. Ne venez pas à l'église comme à l'école pour entendre la parole de Dieu et pour la comprendre. Il faut la révélation venant de Dieu. Et quand vous priez le Seigneur, le Seigneur vous donne une atmosphère spirituelle. C'est sous l'onction de l'Esprit que nous comprenons le langage de Dieu notre Père. Parce que Dieu a un langage spirituel. Amen. Il est écrit dans Jean au chapitre 8. Le verset 47. C'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Un enfant de Dieu écoute la parole de Dieu. Un enfant de Dieu écoute le langage de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur parle. C'est lui qui est né de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Quand Dieu parle, cher frère, et dans sa parole il dit, une femme doit s'habiller décemment, de manière à ne pas exciter les pécheurs à l'adultère. Une fille de Dieu comprend cela deux fois. Dieu parle une fois et nous comprenons deux fois. Une fille de Dieu, un enfant de Dieu, on ne lui force pas de vivre la parole. Non, pour lui, vivre la parole de Dieu, c'est sa nature. Amen. C'est vrai. Il est aussi écrit dans 1 Jean, au chapitre 4, le verset 6. Nous sommes de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Jean écrit avec assurance. Il dit, nous sommes de Dieu. Un enfant de Dieu connaît sa position dans le Seigneur. Et un véritable chrétien ne peut pas douter de son salut. C'est vrai. Amen. C'est lui qui connaît Dieu, nous écoute. C'est lui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Un enfant de Dieu, même s'il est fâché, quand on lui montre la parole de Dieu, il doit céder. Un fils de Dieu ne résiste pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes de Dieu C'est lui qui connaît Dieu, nous écoute. Et c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Quelqu'un qui n'écoute pas, vous lui donnez des conseils, vous lui montrez ce que dit la parole de Dieu, mais il n'écoute pas. L'esprit qui est sur lui, c'est l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Moi je n'écoute pas. Mimi shikie. Qui que vous soyez. Je ne peux pas écouter. Mishita shikia. Papa m'a échoué. Baba angu ananishindwa. Mama m'a échoué. Mama angu ananishindwa. Bien-aimé. Bapendwa. Papa peut échouer. Baba anaweza kushindwa. Mama peut échouer. Mama anaweza kushindwa. Mais il y a une puissance qui transforme un homme. Lakini kuko uwezo mwe unabadilisha mtu. Le conseil de papa ne peut pas te transformer. Shauri ya baba haiwezi kubadilisha. Ni le conseil de mama. Au shauri ya mama. Mais la parole de Dieu, c'est une puissance qui transforme la vie d'un pécheur. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi le Seigneur a dit, sur ce roc je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elles. C'est très sévère. C'est-à-dire sur la terre, il n'y a aucune puissance visible ou invisible qui peuvent prévaloir contre la véritable église du Dieu vivant. Elle n'existe pas. C'est pourquoi quand vous voyez une église, notre église est dispersée, parce qu'il y a eu beaucoup de sorciers dans l'église. Cette église n'est pas l'église de Dieu. Je vous dis la vérité, parce que Jésus-Christ, c'est une puissance au-dessus de toutes les puissances. C'est pourquoi ma soeur en tant que chrétienne et mon frère en tant que chrétien, en Jésus-Christ, nous n'avons rien à craindre. C'est vrai. Nous n'avons rien à craindre. En Jésus, nous marchons tête haute. Et nous marchons comme si la puissance des ténèbres n'existe pas. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi ne craignez rien, bien-aimé. Dans Psaume 91, à partir du verset 10, la Bible dit, tu ne craindras rien, ni les terreurs de la nuit, les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion, une maladie contagieuse. La Bible dit, mille tomberont à ton côté et 10 000 tomberont à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. C'est vrai. C'est pourquoi, bien-aimé, quand nous sommes en Jésus, soyons dans l'assurance. Parce que Jésus, c'est la véritable zone de sécurité. Pour trouver un chrétien, un petit chat qui miaule la nuit, un vieux papa s'élève. Baba mwa mkua na lamuka. Il se concentre. Anabebatia pala shakushima mabuima. Vous sorcier. Oui, mulozi. Vous sorcier. Oui, mulozi. Sans effet au nom de Jésus. Akuta kwa kitu mjina Yesu. Qui t'a dit que le chat est un sorcier? Nani alikuonesha sema ule mpushi ni mchawi? Ni le hibou. Awa ule mfuifui? Le chat n'est pas un sorcier. Ule mpushi ana mulozi. Ni le hibou. Awa ule mfuifui? Le hibou, c'est une viande à manger. Fuifui le ni nyama banakulaka. Même le chat. Il y a les gens qui mangent. Au nom de Jésus, sans effet. Ça, ce n'est pas la foi, c'est la peur. Quand vous dormez la nuit, après avoir prié le Seigneur, dormez. Lala. L'ange de l'Éternel. Malaika wa Bwana. campe autour de ce qu'il crée. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous, en prêchant l'Évangile, nous n'avons pas le temps d'élever les sorciers. Jamais. Et la parole que nous prêchons ne donne pas la peur. La parole de Dieu donne la foi. C'est pourquoi nous ne croyons pas aux sorciers qui mangent les gens. C'est faux. Je vous dis la vérité. Nous ne mourrons pas. Nous ne tombons pas malades. À cause des sorciers. Non, mes chers frères. Nous tombons malades. Et nous mourrons. C'est parce qu'Adam avait péché. Si Adam n'avait pas péché, nous ne tomberions pas malades. Et nous ne mourions même pas. C'est pourquoi nous ne croyons pas aux sorciers qui mangent les gens. C'est un mensonge. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi, bien aimé, quand nous écoutons la parole de Dieu, l'oreille écoute, mais c'est le cœur qui comprend. C'est pourquoi la place de la parole, ce n'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Il est écrit dans Romains, au chapitre 6. Romains chapitre 6, nous sommes au verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. C'est le cœur qui obéit à la parole. Et pour que la parole ait son effet, il faut qu'elle trouve de la place dans le cœur. C'est pourquoi en venant à l'église, il faut prier. Et Dieu vous donne une bonne atmosphère. Parce que pendant la prédication de la parole, il y a des choses qui se passent. Il y a même des expériences qui se passent dans le cœur des gens. Amen. J'ai lu un petit quelque chose dans le christianisme traditionnel. Le christianisme primitif. À la page 128, il est dit ceci. Lors de la prédication de l'Évangile, wakati ya mahubiri ya Injili, différentes expériences sont faites par les auditeurs croyants. Maonjo ya mingi unafanyika kwa baminifu wale kumule. Même quand nous sommes là, hata wakati tuko hapa, lorsque la parole est en train d'être prêchée, wakati nene unahubiriwa, différentes expériences se passent dans les auditeurs. Maonjo kwa chana chane unafanyika kwa wale unasikia. Lorsque Pierre prêcha dans la maison de Corneille, wakati Petro kona ubiri mnyumba Corneille, suite à une seule prédication, mukisha tu maubiri moya, toute l'œuvre de Dieu, kazi yote ya Mungu, s'accomplit en une seule fois, inafanyika mara moja, allant de la conversion jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Mukwanzia kubadilika kufika paka na kubatizwa Roho Mtakatifu. Suivant la position intérieure de l'auditeur. Kufatana na ile hali ya ndani ya ule bali alikuwa anashikia. De son attente dans la foi. Muku jongoja kwake ndani ya imani yake. Et de la pleine autorité de la prédication. Na ile mamlaka ya utele ya mahubiri. L'esprit de Dieu. Roho ya Mungu. Peut agir conformément à la parole annoncée. Inaweza kutenda kufuatana na neno linatangaziwa. Amen. Amen. La parole agit lorsque notre disposition est bonne. Wakati ali yetu iko ya mzuri. C'est vrai. C'est pourquoi, chers frères, selon la Bible, l'Église, c'est quoi? Parce que notre prédication, c'est les identifications de la véritable Église du Dieu vivant. L'Église, c'est quoi? L'Église, ce n'est pas seulement un bâtiment. Le bâtiment nous abrite contre les intempéries. Et pour connaître la signification du mot Église, nous devons retourner dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu a travaillé avec Israël et il a travaillé avec les nations. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi père d'un grand nombre de nations. Mais tes descendants séjourneront dans un pays étranger pendant 400 ans. Et après les 400 années, moi-même, à bras étendus, je l'en ferai sortir. Israël a fait 400 ans en Égypte. Et selon la parole de Dieu, aussi longtemps qu'Israël était en Égypte, il n'était jamais une église. Amen. Ici, je voudrais que l'église comprenne bien la chose. Il n'était pas une église. Parce qu'ils étaient liés à l'esclavage. Ils vivaient selon les modes de vie égyptiennes. Ils n'avaient pas d'église. Ils n'avaient pas de loi. Ils étaient confondus aux Égyptiens. Et quand Israël était en Égypte, selon la Bible, qui il était? Exode. Mukutoka, Kitabu. Exode chapitre 5. Kitabu ya Kutoka sura ya 5. Nous sommes au verset 1. Tuko kumstara ya kwanza. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Musa na Aaron bakaenda kisha kwa Pharaoni. Et lui dire. Na kumonesha. Ainsi parle l'Éternel. Hivi wamilena nasema. Le Dieu d'Israël. Mungu wa Israël. Laisse aller mon peuple. Acha taifa yangu yende. Pour qu'il célèbre au désert. Pate kushangilia mujangwa. Une fête à mon honneur. Karamu moya njuu yangu mie. Bien aimé frère. Mapendo bandu. Selon la Bible. Fuatana Biblia. Quand Israël était en Égypte, ils étaient seulement le peuple de Dieu. Ils n'étaient jamais une église. Amen. Et dans Exode 4, le verset 22, il est écrit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, Israël ni mwana wangu, mon premier-né. Muzaliwa wangu wa kwanza. Je te dis, nakwambia, laisse aller mon fils, acha mwana wangu ende, pour qu'il me serve. Kusudi anitumikie. Si tu refuses de le laisser aller, na mwacha apate kwenda, voici, je ferai périr ton fils. Ton premier né. Israël était simplement le peuple de Dieu. Israël était simplement le fils de Dieu. Dieu ne l'avait jamais appelé église. Il n'a pas dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon église. Non. Parce qu'Israël était lié à l'esclavage. Quand est-ce qu'Israël est devenu église? Acte. Chapitre 7. Suratiatan, Yasaba. Acte chapitre 7, nous sommes au verset 35. Matendo mitume sura saba, mstari wa 13 na 5. C'est Moïse qu'ils avaient renié. Ni ule Musa walikataa. C'est Moïse. qu'ils avaient renié en disant qui t'a établi chef et juge. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit au fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, voilà ce que dit la Bible. Israël devint une assemblée. Israël devint une église. C'est au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères reçu des oracles vivants pour nous les donner. Selon la Bible, Israël devint église au désert. C'est après la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge, quand ils arrivent au désert, le lieu a changé. La nourriture a changé. Ils étaient complètement séparés de l'Égypte. Et quiconque était au désert, il ne pouvait plus retourner en Égypte. Parce que la mer Rouge était la ligne de séparation. Amen. Amen. Et quand ils arrivent au désert, ils ont maintenant la loi. Beko, sasa na sheria. Et la loi, c'était la doctrine pour Israël. Na ile sheria ilikuwa ndio mafundisho ya msingi kwa Israël. Ils ont Moïse et Aaron. Beko na Musa na Aaroni. Comme berger. Sawa bachungaji. Et 70 anciens. Na bale ba bazee makumi saba. Les chefs de 1000. Benye kuya bakuwa ya wa elfu. Les chefs de 500. Bakuwa ya wa 105. Les chefs de 100. Bakuwa wa 101. Les chefs de 50. Bakuwa ya makumi tano. Et les chefs de 10. Na bakuwa ya batu batu. Ça, c'était l'ordre que Dieu lui-même a placé dans cette église. Yo sawa ile Mungu yeye mwenyewe alikaka mwile kanisa. Et Dieu leur a dit, na Mungu arbonishaka, quiconque va coucher avec une femme d'autrui yeyote atalala na mwanamke wa benyeo, et convenait à les surprendre, na banafika mkumukuta naye, ils seront rapides, batapika maiboy, et celui qui va coucher avec une bête, na ule atalala na nyama, et une femme qui va se prostituer à une bête, na ule mwanamke atenda kufanya busharati na nyama, seront tués, batabaua. Ça, c'était la discipline que Dieu lui-même mettait dans son église. Jo utaratibu ile Mungu yeye mwaliweka mkanisa yake. Ils avaient la loi, na sheria, ils avaient l'ordre, na usawa, et ils avaient la doctrine. Na na mafundisho pia. C'est pourquoi le prophète Balaam disait, nasema, l'église c'est la doctrine, kanisa ni mafundisho, c'est l'ordre, ni ile usawa, et c'est la discipline. Na, ni ile amen. C'est vrai, bien-aimé. Et même un prédicateur sans doctrine n'a pas de ministère. Ana na uduma. L'église, ce sont des hommes et des femmes. Kanisa, ni banaume na banamuke. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas un bâtiment. Aina, sema ni kinyumba. Ce sont des hommes, ni bantu, et des femmes. Banamuke ou banaume. Des jeunes gens, babijana, banaume, des vieillards, basé, des hommes qui sont appelés à sortir. Batu bale banaitwa kutoka. Ils sont appelés à sortir. Banaitwa kutoka. Sortir du monde. Kutoka mudunia. Sortir du paganisme. Toka mukipagano. Sortir de toutes les traditions païennes. Toka mwaibisela yote kipagano. Sortir même de la mondanité. Toka ata mukidunia. Amen. C'est vrai, mes chers frères. Et même le message que nous avons reçu dans cet âge, c'est un appel à sortir. Nous devons sortir même dans les dénominations. Nous devons sortir dans les fausses doctrines. Dans tous les plaisirs. Dans toutes les passions de la jeunesse. Et nous devons être séparés. C'est vrai. C'est pourquoi notre foi, la foi de la véritable Église, a comme absolu la Bible. Biblia. Et pour nous, na kwetu sheye, toute doctrine qui n'est pas selon la Bible, mafundisho yote la yambatana na Biblia, elle est fausse. Iko ni ya bia bongo. Amen. Amen. Même si elle vient d'un prophète. Hata kama ile mafundisho inatokea ni kwa nabii. Même si elle vient d'un représentant d'une grande église. Hata kama inatokea ni kwa ule representant wa kanisa moja munene. Si ce qu'il dit ne vient pas de la Bible. Ama Biblia inasema bitoke mu Biblia. C'est faux. Ni bia bongo. C'est vrai. Ni bia kweli. La Bible dit. Biblia inasema, je n'ordonne pas à la femme d'enseigner. Mishiruhusu kwa mwanamke afundishe. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. C'est la parole de Dieu. Et pour nous, c'est oui et amen. Et toute église qui laisse une femme en train de prêcher, c'est une église démoniaque. Je vous dis la vérité. Toute église qui enseigne que Branham est Dieu, c'est une église démoniaque. C'est pourquoi nous sommes appelés à sortir de toutes les fausses doctrines. C'est vrai. Tonnerre révélé. Fausse doctrine. Jésus est déjà venu. Fausse doctrine. Branham est Dieu. Fausse doctrine. Nouvelle lumière. Fausse doctrine. Le sang a déjà séché. Fausse doctrine. Je vous dis la vérité. Le prophète Branham disait, même si moi Branham, je viens devant vous et que j'apporte un enseignement ou une doctrine qui ne vient pas de la Bible, oubliez ça. C'est faux, ça ne vient pas de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, notre foi est basée sur la Bible. Pour nous, la Bible n'est pas la manne pourrie. Comme disent les branhamistes, la Bible ce n'est pas une manne pourrie. La Bible c'est la parole immuable de Dieu. Et la Bible c'est Dieu sous forme des Écritures. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés à sortir. Parce que le message que nous avons eu, c'est un appel à sortir. C'est vrai. Il est écrit. Est écrit dans 2 Corinthiens. Au chapitre 6. Surah 6. Le verset 17. Mustara 17. C'est pourquoi. Jokwaman. Sortez du milieu d'eux. Tokeni katikati yabo. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Na mujitenge, Bwana nasema. Ne touchez pas à ce qui est impur. Mushiguse kwa bile binye kwa bia buchafu. Et je vous accueillerai. Na ntamipokea. Je serai pour vous un père. Takuya kwenu mwe baba. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Na takuya kwangu mie bana na babinti. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Bwana wawezo yote anasema. Nous sommes appelés à sortir. Tunaitwa kutoka. Parce que le mot église signifie les appeler à sortir. Sababu ile musemo wenyewe kanisa ni ina maana yayo ni benye kuitwa kutoka. C'est vrai. Bia kweli. On doit sortir même dans les coutumes. Parce que toutes les coutumes des nations sont vanités. Comment toi, un frère, la sœur a donné naissance à deux jumeaux. Maintenant, on te jette la poudre. Tu commences à danser. Et tu commences à parler même des choses qui touchent à la pudeur. Parce que tu es père des jumeaux. C'est du paganisme. Que vous acceptiez ou pas, c'est du paganisme. C'est vrai. Nous devons sortir de toutes les traditions païennes. Quand Dieu te donne des enfants, amène seulement les enfants à l'église. On va les consacrer au Seigneur. Et c'est fini. Il n'aura rien. Celui qui nous garde, c'est Dieu notre Père. Comme il te les a donnés, c'est lui-même qui va les garder. On doit sortir de toutes les traditions. Parce qu'ici, nous ne connaissons personne selon la chair. Je vous dis la vérité. Comment toi, ma soeur? Mon frère bien-aimé, le frère qui vient toquer chez toi pour épouser ta fille, tu commences à lui demander, toi tu es d'où? Tu es de quelle tribu? C'est du paganisme. La seule condition que nous avons pour nous marier, c'est dans le Seigneur, ayant confessé la même foi et étant né de nouveau. C'est tout. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais vous dire ceci. Dans les choses de Dieu, entre nous, et le monde, il n'y a rien de commun. Le monde va à gauche, nous nous allons à droite. Le monde va à droite, nous nous sommes à gauche. Nous ne devons pas ressembler au monde. Parce qu'il est écrit dans Romains, au chapitre 12, le verset 1, la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, takatifu, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et au verset 2, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas avec le siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous conformer au monde. Même dans notre habillement. Je vous dis la vérité. Comment toi, un frère, avec la parole de Dieu en main, et tu te comportes comme un star. Un pantalon qui ne tient pas à la hanche. Pantalon moi, ibambe tena mukivunu. Qui laisse voir les sous-vêtements. Ile kunacha kaptula ndani kunaonekana. La parole de Dieu ne forme pas de star. Neno ya Mungu haina pale njoo kutunga ba star hapa. La parole de Dieu forme des chrétiens. Neno ya Mungu iko natunga iko nazala ni batoto ya ba Kristo. Quand tu te comportes comme ça. Wakati unajiongoza vile. Tu ressembles à qui? Uko unafanana na nani? Yeye voyait un frère. Naona nduku. Il va raser les cheveux à ce niveau. Et ici en haut, les cheveux touffus. Tu ressembles à qui? Unafanana na nani? La Bible dit, Biblia nasema, c'est la femme qui doit avoir une longue chevelure. Un homme ne peut pas avoir une longue chevelure. Un frère qui imite les musiciens de Kinshasa. C'est faux. Tu n'as pas fait une bonne expérience avec le Seigneur. Nous, nous imitons Christ. Christ. Parce que le mot chrétien est tiré du mot Christ. Amen. Amen. C'est vrai, mes chers frères. C'est pourquoi nous sommes appelés à sortir. Et ces gens qui sont appelés à sortir, selon Romains chapitre 5, verset 1, ce sont des gens qui sont justifiés par la foi. Après être sortis du monde, ils sont justifiés par la foi. Selon ce que dit la Bible. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Un homme sauvé doit avoir la paix du cœur. Et c'est ça même la preuve que tu as été pardonné de tes péchés. Ils sont sanctifiés par la parole. Comme il est écrit dans Jean 17:17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est vrai. Maintenant, quand tu vis comme ça, mon frère, ma soeur, quand tu vis comme ça, quelle expérience tu as faite avec le Seigneur? Une sœur en mini. Dada mwana kajipe kafupi umu. Décollant. Kajipe kakumu bamba kabisa. Elle n'est pas encore sortie. Ule aya toka bado. C'est une païenne. Ni mupagano tu. Nous ne devons plus amener le monde avec nous ici. Atupashe tulete dunia umu mkanisa. Le monde doit rester. Dunia napasha kubakia. Parce que le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu dont sa parole a une puissance terrible pour nous transformer. Comment tu peux te comporter comme ça, ma soeur? Avec une jupe. Na jipe moya, qui laisse voir toutes les formes de ton corps. Ile kunaonesha umbo yako yote ya mwili. C'est la mondanité. Ile ni kidunia. Et la plus grande maladie qui a frappé les églises aujourd'hui, c'est la mondanité. Na magonjwa munene lipika kanisa leo ni kidunia. C'est vrai. Ni bya kweli. Et la sœur est là. Na dade kupali. Des perruques. Ma perruque. Des plantes. Ma plante. Des cabello. Ma cabello. C'est écrit où dans la Bible? Inaandikiwa wapi mu Biblia? Tout ce qui n'est pas biblique. Yote ile aina ndani ya Biblia. Nous ne devons pas le croire. Chatupasha kuyamini. Nous embellissons l'être intérieur. Chetuko nafanya burembo ya mtu wa ndani. Et nous l'embellissons avec la parole de Dieu. Na tukunafanya murembo na neno la Mungu. Amen. Amen. Pour ce soir, Dieu mangaribia leo, que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.